Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. De l'incarnation du Christ, suite. Ses actions et ses souffrances, suite. Explication. Nous avons présentement à étudier le Christ sortant de ce monde et l'exaltation dont il est l'objet. Sa sortie de ce monde nous présente d'abord sa passion, que nous considérerons en elle-même, dans sa cause, et dans ses effets, ensuite sa mort, sa sépulture, sa descente aux enfers. Au sujet de son exaltation, nous parlerons de sa résurrection, de son ascension, de la place qu'il occupe à la droite de son Père, et, enfin, de son pouvoir judiciaire. Question 46. De la passion du Christ. Nécessité de la passion du Christ. Notre délivrance pouvait-elle s'accomplir sans elle? Sa convenance pour notre salut, du supplice de la croix, étendue des souffrances de notre Seigneur dans sa passion, de l'état de son âme sous le rapport de la vision béatifique, du temps de la passion, du lieu, des deux voleurs, le Christ a souffert comme homme. 1. Était-il nécessaire que Jésus-Christ souffrît pour la délivrance du genre humain? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. Jean 3,14. Le mot nécessaire a plusieurs acceptions, il signifie d'abord une nécessité absolue, telle de sa nature qu'on ne saurait supposer une chose autrement. Dans ce sens, les souffrances du Christ ne furent nécessaires, ni du côté de Dieu, ni du côté de l'homme. Il signifie ensuite la nécessité qui provient d'une cause extérieure, nécessité qui se divise en nécessité de contrainte et en nécessité de fin. La passion du Christ n'a été l'objet d'aucune contrainte, il a souffert volontairement. Reste donc la nécessité finale, d'après laquelle nous disons qu'une chose est nécessaire pour une fin, qui, sans elle, ne saurait être obtenue en aucune façon ou d'une manière convenable. Dans cette dernière acception, il a été nécessaire que le Christ souffrit, premièrement, pour nous délivrer du péché, selon cette parole déjà citée, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. Secondement, pour mériter lui-même, par les humiliations de sa passion, la gloire de son exaltation, ce que marque cet autre mot, ne fallait-il pas que le Christ souffrît et qu'il entrât ainsi dans sa gloire? Enfin, pour accomplir les décrets de Dieu, consignés dans les Écritures et figurés par l'ancienne loi. Aussi lisons-nous en Saint Luc 22:22, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été décrété, et encore, je vous le disais pendant que j'étais avec vous, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, devait s'accomplir. Il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât d'entre les morts. Luc 24:44. Note. La délivrance du genre humain par la passion du Christ convenait à la justice et à la miséricorde de Dieu. À la justice, à cause de la satisfaction offerte pour le péché, à la miséricorde, parce que, vu notre impuissance, Dieu a mis son Fils à notre place, ce qui est une miséricorde plus grande que de nous avoir pardonné sans aucune satisfaction. Fin de la note. 2. La passion du Christ était-elle le seul moyen de délivrer l'homme? Dieu pouvait, absolument parlant, sauver l'homme par d'autres moyens, rien ne lui est impossible. Mais, Poser la préscience divine et la préordination de la Providence touchant les souffrances du Christ, il n'était plus possible que notre délivrance s'accomplît d'une autre manière. Nous avons vu, dans la première partie de cet ouvrage, que ce principe est applicable à tout ce que Dieu a prévu et préordonné. Note. Notre Seigneur parlait dans le sens de la préscience et de la préordination divine quand il disait « Si ce calice ne peut pas passer sans que je le boive, à savoir, si vous l'avez ainsi disposé, que votre volonté soit faite. » Matthieu 31, 39. Si Dieu avait voulu délivrer l'homme sans exiger aucune satisfaction, il n'aurait pas blessé la justice. Il n'était point dans le cas d'un juge qui ne peut pas laisser un délit impuni sans faire de tort à un tiers. En pardonnant sans condition, il n'aurait fait injustice à personne. Pour Dieu, qui n'a pas de supérieur, la miséricorde n'est jamais une injustice. Fin de la note. 3. Y avait-il un moyen plus convenable de délivrer le genre humain? De tous les moyens propres à opérer notre salut et à sauver le genre humain, nul autre ne réunissait autant d'avantages que la passion du Christ. Premièrement, elle nous fait connaître combien Dieu nous aime, et elle nous excite à l'aimer à notre tour. Dieu, disait saint Paul, a fait éclater son amour envers nous, puisque, dans le temps où nous étions encore ses ennemis, le Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Secondement, elle place devant nos yeux l'exemple de l'obéissance, de l'humilité, de la force et de toutes les vertus nécessaires à notre salut. C'est ce que nous enseigne le prince des apôtres, le Christ est mort pour vous, vous laissant son exemple, afin que vous marchiez sur ses traces. 1 Pierre 11, 21. En troisième lieu, elle nous a mérité la grâce sanctifiante et la gloire éternelle, en nous délivrant de nos péchés. Quatrièmement, elle nous impose une plus grande obligation d'éviter le péché, suivant cette parole, « Vous avez été acheté un grand prix, glorifiez et portez Dieu dans votre corps. » 1 Corinthiens 6, 20. Cinquièmement, elle fait ressortir notre dignité. Si l'homme a été vaincu et séduit par le démon, il a également triomphé du démon. S'il a mérité la mort, l'homme-Dieu a vaincu la mort en mourant pour nous. Aussi l'apôtre s'écrit-il, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 15, 57. Il convenait, on le voit, que nous fussions délivrés par la passion du Christ plutôt que par la seule volonté de Dieu ou par tout autre moyen. 4. Le Christ devait-il subir le supplice de la croix? Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Philippiens 11, 8. Écoutons, d'abord, saint Augustin. La sagesse de Dieu a revêtu notre humanité, afin de nous donner l'exemple de la vertu et de nous apprendre qu'aucun genre de mort n'est à craindre pour l'homme vertueux. Pour cela même le Christ est mort sur la croix, supplice le plus redouté parmi tous les genres de mort. En second lieu, quelle autre mort convenait mieux à l'expiation du péché qui avait consisté à manger du fruit de l'arbre défendu? Ne dirait-on pas que le Christ, en se laissant attacher à la croix, restitue ce qu'Adam avait enlevé, pour réaliser cette parole du prophète, « Je restituais ce que je n'avais point dérobé. » Psaume 68, 5. Troisièmement, sa mort entre le ciel et la terre purifie l'air, arrose de son sang la terre déjà sanctifiée par ses pas, et nous ouvre l'accès du ciel, selon cette parole, Quand je serai élevé de terre, j'entraînerai tout après moi. Jean 12, 32. En quatrième lieu, la forme de la croix, qui se dirige d'un centre vers quatre parties opposées, convenait à la rédemption du genre humain, elle nous représente la diffusion de la puissance et de la bonté infinie. Le Christ meurt en étendant les mains, pour attirer, par l'une, l'ancien peuple, par l'autre, les enfants de la gentilité. Ajoutons, avec saint Augustin, que la croix, véritable chair d'où le divin maître instruit l'univers, nous enseigne cette science dont l'apôtre admirait la largeur, la hauteur et la profondeur. Enfin, la mort du Christ sur la croix répondait à une foule de figures. Au déluge, continue saint Augustin, une arche de bois sauve le genre humain. À la sortie d'Égypte, Moïse, avec une verge de bois, divise la mer, renverse Pharaon et délivre les Israélites, il jette du bois dans l'eau et en transforme l'amertume en douceur, il frappe avec une verge de bois le rocher, d'où il fait jaillir une source abondante. La loi de Dieu est renfermée dans une arche de bois, l'autel des holocaustes était en bois, autant de degrés qui conduisent les hommes au bois de la croix. Ces analogies, unies aux autres raisons, montrent suffisamment qu'il convenait que le Christ mourût sur la croix. 5. Le Christ a-t-il enduré toutes les souffrances? Les souffrances humaines peuvent être envisagées quant à l'espèce et quant au genre. Nous ne dirons pas que le Christ a souffert toutes les espèces de douleurs. Plusieurs sont opposées l'une à l'autre, on ne saurait, par exemple, périr simultanément par l'eau et par le feu. Il ne convenait pas, d'un autre côté, qu'il fût en proie aux maladies du corps, mais nous dirons qu'il a enduré tous les genres de souffrances humaines, car il a souffert de la part des Juifs, des gentils, des hommes, des femmes, des princes, des serviteurs, de ses compatriotes, de ses disciples et de ses amis. Il a souffert, en outre, dans toutes les choses où un homme peut être éprouvé, ses amis l'ont abandonné, sa réputation a été flétrie, son honneur et sa gloire ont été en butte à la dérision et aux outrages, on lui a enlevé les seuls biens qu'il possédait, ses vêtements, son âme a été livrée à la tristesse, l'ennui et à la crainte, son corps a été meurtri de coups. Il a souffert dans tous ses membres, à la tête, la couronne d'épines, aux mains et aux pieds, les clous, au visage, les soufflets et les crachats, sur tout son corps, la flagellation. Pas un seul de ses sens qui n'ait eu aussi son supplice propre. Le tact a eu à supporter les clous et les fouets, le goût, le fiel et le vinaigre, l'odorat, les exhalaisons infectes des débris de cadavres humains qui gisaient sur le lieu d'exécution, appelé pour cela le calvaire, l'ouïe, les blasphèmes et les moqueries, la vue, les larmes de sa mère et du disciple qu'il chérissait. Note. La moindre de ces souffrances eût strictement suffi pour nous racheter. Il convenait néanmoins qu'il subit pour cela tous les genres de souffrance. Nous en avons donné la raison plus haut. Fin de la note. 6. La passion du Christ a-t-elle été la plus grande de toutes les douleurs? Regardez et voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur. Lamentation 1, 12. Les souffrances du Christ, sous le rapport de son âme et de son corps, furent supérieures à toutes celles de la vie présente. On peut juger de celles de son corps, tant par l'étendue de sa passion, décrite dans l'article précédent, que par le supplice même de la croix, le plus terrible de tous, où la victime, transpercée aux pieds et aux mains, partie du corps que la sensibilité nerveuse affecte plus vivement, sans son mal s'aggraver continuellement par le poids de son corps et par la lenteur du trépas. Quant à la douleur de son âme, il faut considérer qu'elle avait pour cause tous les péchés du genre humain, à l'égard desquels il satisfaisait en se les attribuant, en particulier, le crime des Juifs, l'infidélité de ses disciples, les erreurs de tous ceux pour qui sa mort fut un scandale, et enfin la perte de la vie corporelle, dont la pensée attriste toujours la nature humaine. Sous le rapport de son âme et de son corps réunis, ses souffrances furent en proportion non seulement de la sensibilité de son corps, qui, formé par l'Esprit Saint, était d'une complexion merveilleusement délicate, mais de la perfection de son âme, dont les facultés saisissaient avec une grande perspicacité tout ce qui fait naître la tristesse. Elles furent d'autant plus grandes que, au lieu de les alléger, comme les autres hommes, par l'exercice de sa raison et par l'action des forces supérieures sur les forces inférieures, il laissait à chacune de ses puissances son impression et son action propre, afin que son supplice, accepté volontairement pour l'expiation des péchés du genre humain, fût en rapport avec le résultat qu'il se proposait. Il est évident, par l'ensemble de ces causes, que la passion du Christ a été la plus grande de toutes les douleurs. Note. Quand on prouverait que certains martyrs, tels que Saint Laurent, brûlé sur un gril, et Saint Vincent, déchiré avec des ongles de fer, ont subi des tourments plus longs et plus cruels, il ne s'ensuivrait pas que leurs souffrances ont été plus grandes que celles du Christ. Les autres causes réunies donneront toujours à celle de la passion la supériorité. Fin de la note. 7. Le Christ a-t-il souffert dans toute son âme? Entendez-vous le mot tout de l'essence même de l'âme, ou l'entendez-vous de ses puissances? Si vous parlez de l'essence de l'âme, le Christ a souffert dans toute son âme. L'âme humaine, unie au corps par son essence, est tout entière dans tout le corps et dans chaque partie du corps. Le corps tout entier du Christ étant en souffrance, comme il a été dit, son âme souffrait aussi tout entière. Rapportez-vous le mot tout aux puissances, le Christ a souffert dans toutes ses facultés inférieures, qui avaient leur douleur particulière, comme nous l'avons expliqué en son lieu. Sa raison supérieure, cependant, n'avait rien à souffrir du côté de son objet propre, c'est-à-dire de la divinité, qui était bien plutôt pour elle une cause de délectation et de joie. 8. L'âme entière du Christ jouissait-elle de la béatitude pendant la passion? Qui dit l'âme entière, désigne son essence même ou toutes ses puissances. Si l'on parle de l'essence, l'âme entière du Christ possédait la joie béatifique, comme étant le sujet de la raison supérieure, dont le propre est de jouir de la divinité. Dans le second sens, qui envisage l'âme dans l'ensemble de ses puissances, il en était autrement. Une telle jouissance n'appartient point en propre à chaque faculté de notre âme, et la partie supérieure de celle du Christ ne faisait point rejaillir sur la partie inférieure la gloire et la joie qu'elle possédait. 9. Le Christ a-t-il souffert dans le temps convenable? Saint Jean 13, 1, dit, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père. Le Sauveur lui-même avait dit antérieurement, mon heure n'est pas encore venue. Jean 12, 4. La passion du Christ était sous la dépendance de sa volonté, toujours dirigé par la sagesse divine, qui dispose tout avec convenance et douceur. Elle a donc eu lieu dans le temps convenable. Toutes les œuvres du Sauveur, dit saint Augustin, se sont accomplies comme il fallait, pour le temps et pour le lieu. Note. Le sauveur n'aurait-il point dû mourir le 14e jour de la lune, jour où l'on immolait l'agneau pascal? Non. Il a célébré la Pâque le même jour que les Juifs, le 1er, des azimuts ou le 14e de la lune, voulant montrer jusqu'à la fin sa fidélité à la loi. Après avoir donné à ses disciples le sacrement de son corps et de son sang, le jour même où l'agneau pascal était immolé, il consentit à être pris et lié par les Juifs, afin de commencer, la nuit même, son immolation, et de la terminer le second jour des azimuts, qui était le plus solennel de la Pâque. Selon le rite des Juifs, les fêtes commençaient dans la soirée du jour précédent, et, en conséquence, ceux qui devaient célébrer la Pâque le 15e jour de la lune, immolaient l'agneau pascal la veille, qu'ils appelaient le premier jour des azimuts. Le lendemain, jour véritable de la Pâque, ils consommaient les pains azimuts, qui ne devaient être mangés que par des hommes exempts de toute impureté, et c'est ce qui explique pourquoi ils ne voulaient point entrer dans le palais de Pilate, qui était païen, de peur d'être souillé. Quant à l'heure du crucifiement, il est aisé de concilier saint Marc 15-25, qui le place à la 3e heure du jour, et saint Jean, qui lui assigne la 6e heure. Saint Marc parle du moment où les Juifs commencèrent les préparatifs du crucifiement, saint Jean, de l'instant même où notre Seigneur fut suspendu à la croix et où les ténèbres se répandirent, ce qui eut lieu à midi. La 3e heure du jour chez les Juifs est la 9e chez nous, la 6e, midi. Le Christ a voulu souffrir dans la jeunesse, pour mieux nous témoigner son amour, en nous sacrifiant sa vie quand elle était dans son état le plus parfait. Fin de la note. 10. Le Christ a-t-il souffert dans un lieu convenable? Tous les lieux, comme tous les temps, sont soumis à sa puissance, il en faut inférer que le lieu de sa passion ne fut pas moins convenablement choisi que le temps. Note. Il était à propos que notre Seigneur souffrit à Jérusalem, hors des portes de la ville, et sur le calvaire. À Jérusalem, Dieu avait choisi cette ville pour l'offrande des sacrifices qui figuraient le Christ, dont saint Paul a dit, « Il s'est livré lui-même comme une hostie et une oblation d'agréable odeur. » Éphésiens 5, 2. Jérusalem était alors le centre du monde habité, le Sauveur voulut y mourir, pour que son sang se répandît de là sur le monde entier. En outre, ayant choisi le genre de mort le plus ignominieux, il voulait en subir la confusion dans un lieu très renommé, et dans la ville même où résidaient les princes du peuple juif, ses plus mortels ennemis. Hors des portes de la ville. Le sacrifice le plus solennel, qui avait pour but la sanctification du peuple, celui du veau et du bouc, s'offrait hors du camp. Lévitique 16. De plus, en souffrant hors du temple et des murs de la ville, le Christ nous apprend que, victime de propitiation, il est lui-même le sacrifice universel offert pour toute la terre. Sur le calvaire. Ce mot désigne un lieu où sont tranchées les têtes des criminels. Notre divin Rédempteur a voulu y être crucifié, pour montrer que sa croix devait effacer non seulement le péché originel, mais tous les péchés actuels. Fin de la note. 11. Convenait-il que le Christ fût crucifié avec des voleurs? Isaïe 53, 12, avait prédit qu'il serait mis au nombre des scélérats. Son crucifixion entre deux voleurs avait un motif dans la pensée des Juifs, et un autre dans les desseins de Dieu. Dans la pensée des Juifs, le Christ devait passer pour coupable, comme les deux larrons. Mais il en a été tout autrement. On ne parle plus d'eux, et la croix de Jésus, honorée dans tout l'univers, orne le diadème, la couronne, la pourpre et les armes des rois, aussi bien que le tabernacle de nos temples. Elle resplendit d'un pôle à l'autre. Dans les desseins de Dieu, il convenait que le Christ fût ainsi crucifié. La croix est un tribunal. Le juge en occupe le centre. Un malfaiteur croit, il est sauvé, un autre blasphème, il est réprouvé. Image, dit saint Augustin, de ce qui aura lieu au dernier jour, à l'égard des vivants et des morts. Jésus placera les uns à sa droite, les autres à sa gauche. En attendant ce grand jour, ajoute saint Hilaire, le calvaire montre que le genre humain tout entier est appelé à participer à la passion du Seigneur. 12. La passion du Christ doit-elle être attribuée à sa divinité? Il est clair que, la divinité étant impassible, le Christ a souffert à raison de sa nature humaine et non de sa nature divine. Saint Cyrille disait, si quelqu'un ne confesse pas que le Verbe de Dieu a souffert dans sa chair et a été crucifié dans sa chair, qu'il soit anathème. Ainsi, quoique la passion du Christ doive être attribuée à sa personne divine, suppôt unique de ses deux natures, elle appartient exclusivement à la nature humaine, seule capable de souffrir. Note. On lit dans un sermon prononcé au Concile d'Éphèse, les Juifs n'en commirent pas moins un déicide, ils ne crucifièrent pas un pur homme, ils portèrent leur attentat jusqu'à Dieu. Supposez qu'un prince parlait que sa parole, rendue visible par des caractères, soit adressé dans une lettre à ses sujets, celui qui, se révoltant, déchirera cette lettre, sera condamné comme ayant déchiré, non la lettre, mais le verbe même du souverain. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.